إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc nous continuons inshallah la deuxième partie de l'introduction du Cheikh عبد السلام السحيمي حفظه الله qui est l'auteur de l'ouvrage كن سلفيا على الجد. Et nous nous sommes arrêtés à ses propos où il dit: ثم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة من بعده مما أدى إلى ظهور اتجاه سلفي على مر التاريخ يستقي أسس دينه وعقيدته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح ويقاوم كل تيار بدعي يخرج عن هذه الأسس. Puis après certains noms qu'il a donnés d'imams et de savants de l'islam pendant les siècles, il cite, il y a eu le cheikh, le mujaddid, le réformateur, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullahu ta'ala, et les grands savants et les imams qui sont apparus après lui. Et la venue de ces savants qui ont fait revivre l'islam authentique, qui ont appelé et invité les gens à revenir à l'islam pur et authentique, comme il était à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons radiallahu ta'ala anhum, cela a fait de même le travail accompli par les savants et les imams depuis l'époque des tabi'in jusqu'à l'époque de Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, et jusqu'à nos jours, cela a fait apparaître la voix des pieux prédécesseurs pendant toutes ces périodes de l'histoire. Il puise ses sources dans la religion et dans son dogme depuis le livre d'Allah et la sunna de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et des récits des pieux prédécesseurs. Et ils ont toujours combattu et ils ont été un rempart face à toute forme d'innovation qui sort et qui dévie de ces fondements qui découlent du livre d'Allah et de la sunna. وَقَدْ أَطَلْتُ فِي بَيَانِ هَذَا الْأَمْرُ وَتَوْضِحِهِ. Donc le cheikh nous dit, et j'ai précisé ce point en détail et je me suis permis de le clarifier. لِأَنَّنَا نَسْمَعُ وَنَقْرَأُ مَنْ يَطْعَنُ فِي السَّلَفِيَّةِ وَالتَّسَمِّي بِهَا. Pourquoi ? Parce qu'on entend et on lit des personnes qui viennent à remettre en doute, à contrer le fait de s'affilier à Salafiyah et de se nommer Salafi. Et jusqu'à nos jours, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Le vrai sera toujours combattu par le faux. Quel que soit ce faux, il sera combattu par des personnes qui sont à l'extérieur de l'islam, qui ne sont pas musulmans, et aussi combattus par des personnes qui sont à l'intérieur de l'islam. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc il n'y a pas lieu de s'étonner d'entendre par-ci par-là des attaques contre les gens qui appellent à la droiture, qui appellent à la vérité, qui appellent à la voix du prophète alayhi salatu wassalam et des compagnons et des pieux prédécesseurs radiyallahu anhum. Ou yadda'i annaha hizbiyya. Et certains même vont jusqu'au stade, ils ont le culot de prétendre que as-salafiyya est un mouvement parmi les mouvements, ou alors une secte, wal-iyadhu billah. Il se peut que des gens, au nom de la salafiyya, en font une secte, mais ce n'est pas la véritable salafiyya. C'est une affiliation de ces personnes mensongères. Mais la vraie affiliation à la salafiyya, c'est un retour à l'islam même, dans toute sa pureté. L'islam, comme a été vécu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons, radiyallahu ta'ala, anhum. Wa annahu la farqa baynaha wa bayna al-jama'at al-hizbiyya al-mu'asira. Et ils disent aussi qu'il n'y a pas de différence entre as-salafiyya et entre les autres mouvements et les autres partis contemporains, c'est-à-dire les mouvements et les partis qui se disent islamiques, mais qui sont plus ou moins éloignés de l'islam authentique. Quels que soient ces partis, quels que soient ces mouvements qui sont apparus à telle ou telle époque, que ce soit les frères musulmans, que ce soit Jama'at al-Tablir, Jama'at al-Tahrir, Jama'at al-Hijra wa al-Takfir, Al-Qaïda, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Combien de mouvements dans le soufisme et dans plein d'autres de domaines qui s'affilient à l'islam et qu'ils disent appeler à l'islam, mais ce n'est pas l'islam du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Ils sont plus ou moins éloignés de la voie du prophète, alayhi salatu wassalam. Et donc certaines personnes viennent dire que salafiyya, c'est la même chose que ces mouvements et ces partis, wal-iyadhu billah. Wa qad yaqulu al-ba'd bi anna mu'assis as-salafiyya huwa al-imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah. Et certains même en arrivent à dire que as-salafiyya, elle a été inventée, c'est une invention inventée par Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala, ce qui est faux. Muhammad ibn Abd al-Wahhab n'a rien inventé rahimahullah. C'est un savant qui a voulu inviter et appeler les gens à la pratique de l'islam authentique. Wal haqiqa anna al-imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah innama huwa da'iyatun min du'at as-salafiyya. Mais la réalité est que l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah est un prêcheur parmi les prêcheurs à la salafiyya, à la voix des pieux prédécesseurs, wa mujaddid min mujaddidiha, et un réformateur parmi les réformateurs de ce prêche. Ahya ma'alimaha ba'da durusiha. Il a fait revivifier la voix des pieux prédécesseurs après qu'elle a été oubliée par les gens. وعادها نقية صافية في هذه الجزيرة من في هذه الجزيرة بعدما تكدر صفوها. Et il a fait revenir ce prêche propre, pur, dans cette péninsule arabique après qu'elle a été entachée. Entachée par quoi? Entachée par les innovations, entaché par les actes de polythéisme qui se trouvaient dans la péninsule arabique. Car à l'époque de Muhammad ibn al-Wahhab rahimahullah, le soufisme avait atteint son sommet. Les innovations avaient atteint leur sommet. Les tombeaux des compagnons, radiallahu ta'ala anhum, et des grands imams et des grands ulama de l'islam, et des vertueux, étaient pris comme mausolées et comme lieux de culte et d'adoration en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, le cheikh Mohammed Abdul Wahhab, rahimahullah, a voulu nettoyer toutes ces terres qui étaient à la base des terres d'islam authentiques de tout ce qui n'en fait pas partie parmi ces actes abominables et ces crimes dont il n'y a aucun crime de plus grand que de donner un culte à autre que Allah tabaraka wa ta'ala, alors qu'Allah seul, il est notre créateur et celui qui pourvoit et celui qui donne la vie et celui qui donne la mort. Personne n'est en droit d'être adoré en dehors de lui, subhanahu wa ta'ala. Et il a envoyé un prophète et un messager qui est le seul, le dernier des prophètes, qui est Muhammad ibn Abdillah alayhi salatu wa salam, pour inviter les gens et pour enseigner aux gens l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. وطغت عليها البدع والخرافات. Bien sûr, elle avait pris place dans la péninsule arabique les innovations et toutes choses inventées qui ne font pas partie de l'islam. بل إن هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية حرسها الله دولة سلفية. Puis le cheikh parle de l'État d'Arabie Saoudite, le royaume à la base qui a été fondé sur la Sunna. Les fondateurs de ce pays ont mis comme institution et comme constitution dans ce pays que c'est la sunna qui est appliquée et la voie des pieux prédécesseurs. Et de ce fait, tant qu'ils resteront ainsi, ce sera un état qui est béni par Allah tabaraka wa ta'ala. Wa da'watuha da'watun salafiyya. Et le prêche qui est enseigné et qui est propagé dans ce pays, c'est le prêche salafi. Kama nassa ala thalika mu'assisuha al-Malik Abdul Aziz ibn Abdul Rahman al-Saoud rahimahullah. Comme l'a bien cité et précisé le roi fondateur du pays, Abdul Aziz ibn Abdul Rahman al-Saoud rahimahullahu ta'ala, حيث قال في خطابه الذي ألقاه في حج عام 1365 هجرية. Comme il l'a bien précisé lors de son pèlerinage, dans son discours qu'il a dit pendant le pèlerinage de l'an 1365 de l'Hégire, ce qui fait dans l'ère chrétienne à peu près en 1945. Innani rajulun salafi wa aqidati hiya salafiyya التي أمشي بمقتضاها على الكتاب والسنة. Donc dans le discours de ce roi, il dit: je suis un homme salafi, un homme qui suit, qui m'affilie aux pieux prédécesseurs. Et ma aqida, mon dogme, c'est l'aqida salafiyya, c'est le dogme des pieux prédécesseurs. Et j'avance selon ce qui découle de cette aqida qui est puisée dans le livre et la sunnah. Wa qala fi al-khitab nafsihi. Et il dit aussi dans ce même discours: yaqulun innana wahhabiyya wal haqiqa annana salafiyun muhafidhun ala dinina. Ils disent, les détracteurs, les ennemis de la da'wa authentique, ou les gens mal intentionnés, ou les gens qui se sont fait avoir par certains propos de certaines personnes et qui ont cru en ce qu'on leur a inculqué ou ce qu'on leur a dit, ils disent: nous sommes des wahhabites. Mais en réalité, nous sommes salafis. Nous sommes des personnes qui suivons, qui s'affilions aux pieux prédécesseurs et qui sommes conservateurs. On conserve notre religion. Wa nattabi'u kitab Allah wa sunnata rasulih. Et nous suivons le livre d'Allah et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Wa laysa baynana wa bayna al-muslimin illa kitabullah wa sunnatu rasulih. Et entre nous et les musulmans, il n'y a que le livre d'Allah et la sunna de son prophète alayhi salatu wa sallam. Cela veut dire quoi? Si au sein des musulmans, certains nous font un quelconque reproche, voilà la balance du Coran et de la Sunna. On retourne au Coran et à la Sunna et on regarde qui a raison véritablement, avec toute transparence. Si ces gens ont raison dans ce qu'ils disent, donc on s'est trompé et on revient sur notre erreur. Personne n'est au-dessus de cela. Ce qui est au-dessus de nous, c'est le livre d'Allah et la sunna de son prophète, alayhi salatu wassalam. فَالْمَمْلَكَ قَامَتْ عَلَى الْإِسْلَامِ الْحَقِّ المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق فهم سلف الأمة. Et donc le royaume à la base a été fondé sur l'islam authentique, basé sur le livre d'Allah et la sunna de son messager صلى الله عليه وسلم, selon la compréhension des pieux prédécesseurs de cette communauté. ولذا اتسمت سياستها بِالْحِكْمَةِ وَالْعَدْلِ. Et c'est pour cela que la politique employée dans le pays, elle était basée sur la sagesse et la justice. وَالْتَسَامُحُ مَعَ الْمَذَاهِبِ الْفِقْهِيَّةِ الْمُعْتَبَرَةِ. Et l'acceptation des madhhab, des écoles juridiques reconnues dans le fiqh, qui sont reconnues. C'est-à-dire que, puisque ils ont pris comme décision d'appliquer le livre et la sunna selon la voie des pieux prédécesseurs, et font partie des pieux prédécesseurs les quatre imams dont se reconnaissent les quatre écoles juridiques: Abu Hanifa, An-Nu'man ibn Thabit rahimahullah, Malik ibn Anas al-Asbahi rahimahullah, Al-Shafi'i Muhammad ibn Idris rahimahullah, wal-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Ces quatre imams dont découlent les quatre écoles juridiques sont acceptés parce qu'ils font partie de la sunna. Ils font partie de la sunna. Et de s'affilier à ces écoles, de base, il n'y a aucun mal. Mais le problème, c'est le suivi aveugle. C'est ça que les ulama de la sunna combattent. Ce sont les membres ou les adhérents de ces écoles qui les suivent aveuglément. Et qu'ils suivent, ils suivent leurs opinions comme si c'était la parole d'Allah ou la parole du prophète alayhi salatu wassalam. C'est là où il y a problème. Mais de s'affilier à ces écoles et de suivre ces grands savants et ces grands imams, il n'y a aucun mal en cela, tant qu'il n'y a pas de suivi aveugle, qu'on appelle at-ta'assub. Wa bina'an ala hadha, je voulais vous dire que là, ce que je dis, ce que je vous lis, ce n'est plus la parole du roi Abdelaziz rahimahullah. On a terminé avec la parole du roi Abdelaziz rahimahullah. Là, c'est l'auteur qui parle. وَبِنَاءً عَلَى هَذَا فَإِنَّ طُلَّابَ كُلِّيَّاتِ الشَّرِيعَةِ فِي الْمَمْلَكَةِ يَدْرُسُونَ فِقْهَ الْأَئِمَّ الْأَرْبَعَةِ. Partant de là, les étudiants dans les facultés islamiques dans le royaume d'Arabie Saoudite, ils étudient le fiqh, la jurisprudence. J'emploie le terme jurisprudence parce que c'est le terme qui est connu chez tout le monde pour vouloir dire al-fiqh, bien que je ne sais pas est-ce que c'est vraiment la bonne traduction. Donc, ils étudient la jurisprudence selon le fiqh des quatre imams: Abi Hanifa, wa Malik, wa Shafi'i, وأحمد رحمهم الله لا سيما في الجامعة الإسلامية بالمدينة. Surtout, cela est enseigné dans l'université islamique de Médine. لأن الخلاف بين هذه المذاهب ليس في العقيدة وإنما في الفروع الفقهية. Pourquoi? Parce que les divergences qu'il y a entre ces écoles, ces quatre écoles, n'est pas d'un point de vue dogmatique. Ce n'est pas dans la croyance ni dans le dogme. Ils appellent tous au même chemin et au même suivi et à la même aqida. Mais dans les détails de la religion, dans les actes d'adoration, il y a eu des divergences acceptables est reconnu dans la sunna. Et c'est là où il y a divergence entre ces écoles. Mais ils sont sur le même chemin et la même voie et le même dogme. Mais leur divergence n'était que dans les branches, dans le domaine de la jurisprudence. يقول الملك عبد العزيز رحمه الله. Donc le roi عبد العزيز رحمه الله dit: والذي نمشي عليه هو طريق السلف الصالح ولا نكفر أحدا إلا من كفره الله ورسوله. Et il dit: nous marchons, nous allons vers le même chemin, dans le même chemin entrepris par les pieux prédécesseurs. Et nous rendons personne, nous ne taxons personne de mécréant, si ce n'est celui qui a été rendu mécréant ou taxé de mécréant par Allah tabaraka wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Wa laysa min madhhabin siwa madhhab as-salaf as-salih. Et il n'y a pas de cheminement ou de voie à suivre si ce n'est la voie, le cheminement des pieux prédécesseurs. وَلَا نُؤَيِّدُ بَعْضَ الْمَذَاهِبِ عَلَى بَعْضِهَا. Et nous n'allons pas secourir une école de jurisprudence sur une autre école. Pour nous, ils sont tous pareils. De base, les quatre, ils sont à la sunna. Donc, on ne va pas donner prééminence ou préférence à une école par rapport à une autre école. Contrairement à certains pays qui se disent, ou que les savants de ces pays disent qu'ils sont bien plus ouverts que les savants qui s'affilient aux pieux prédécesseurs, en disant, nous, on prend de tous les imams, de tous les savants, ce qui est faux. Et dans la réalité, on ne le retrouve pas. Vous allez dans des pays où, par exemple, tel madhhab, telle école de jurisprudence à la prééminence. Au Maghreb, par exemple, on a le madhhab de l'imam Malik, rahimahullah. L'imam Malik, c'est un grand imam, un grand savant de la sunna et de l'islam. Mais les gens qui s'affilient, qui se prétendent de cette école, ils ne veulent pas entendre parler d'un autre imam, ni d'un autre savant d'une autre école. Ils disent, nous, on est malikites, on ne prend que des malikites. Et donc, ils ne veulent pas savoir. Je ne parle pas de quelques rares personnes ou savants qui sortent de cette règle générale et qui vont voir chez d'autres savants, d'autres imams, ce qu'ils disent pour voir réellement elle est où la véritable opinion sur telle ou telle question. Je parle d'une globalité. Lorsqu'ils sont dans une école de jurisprudence, ils ne veulent plus entendre parler des autres savants ou des autres imams. Et tellement que les gens ont été éduqués ainsi, que tu vois la personne assise dans une assemblée et lorsque quelqu'un répond à des questions, il demande il est de quel madhhab. Parce que si le shir en face dit par exemple à une question telle chose c'est haram, et bien lui il pourrait se dire ah, mais lui il dit ça, mais lui c'est un shafi'i, moi je suis malikite, donc ce problème là est-ce que c'est haram ou pas, moi je ne suis pas concerné. Comme si dans l'islam de base, pour certains musulmans, des choses sont halal et pour d'autres, elles sont haram. Wal'iyadhu billah. Jamais les imams n'ont appelé à cette compréhension qui est erronée. Donc, il faut bien comprendre la question de s'affilier, de suivre un madhhab parmi les madhhab reconnus. Quand je parle de madhhab, madhhab ahli sunnah. Pas comme certains qui ont voulu rentrer dans les madhhab, al-shi'a. Et ils ont été dire que shi'a, au final, ce n'est qu'un madhhab. Et ils en ont fait le cinquième madhhab. Je crois même qu'à certains moments, je ne sais pas si aujourd'hui c'est toujours la même chose, mais dans l'Azhar, c'est ce qui était dit. Et peut-être même qu'ils enseignaient, ils l'appelaient al-madhhab al-Ja'fari. C'est-à-dire qu'ils s'affilient al-Ja'far rahimahullah. Et ils disent que c'est qu'un madhhab. Alors que Shia, sa divergence, elle n'est pas avec une des quatre écoles. Non, elle est avec Ahl Sunna, d'un point de vue général. Pourquoi ? Parce que leur problème ou leur divergence n'est pas dans les branches de la religion. Elle est dans les bases, même les fondements de la religion. ils n'ont pas les mêmes références que nous. Ils disent qu'ils ont le Coran, mais ils n'ont pas la même lecture du Coran que nous. Et de base, chez les Shia, le Coran qu'on a, ce n'est pas le vrai Coran. Pour eux, le Coran qu'on a, ce n'est pas le vrai Coran. Le vrai Coran, il est caché. Et à la fin des temps, il ira être, c'est le Mahdi qui sortira, pas le nôtre, leur Mahdi à eux, qu'ils prétendent qu'il va sortir, qu'il va faire réapparaître le vrai Coran, qui est 4 fois plus volumineux que le Coran qu'on a entre nos mains. Il n'y a aucun texte dans ce Coran prétendu qu'on retrouve dans notre Coran. Mais ils ont fait une dérogation. Pendant le temps où on n'a pas ce Coran, ils se sont permis de prendre le Coran qu'ils disent que Ahl Sunna ont falsifié. Wal-iyadu billah. La tradition, ils ont leur propre tradition. Ils ne reconnaissent pas. Ça n'existe pas chez eux. Sahih al-Bukhari, ce n'est pas une référence. Sahih Muslim, ce n'est pas une référence. Al-Muwatta, ce n'est pas une référence. Les 4 Sunan, ce n'est pas une référence. Pour eux, ils disent, ça, ce sont les références de Ahl Sunna. Et pour eux, Ahl Sunna, ce sont des mécréants. Ce n'est pas des musulmans. Même s'ils vous font croire des choses, mais c'est qu'une taqiyya. Ils cachent. Parce que pour eux, les 9/10 de la religion, c'est de faire montrer le contraire de ton intérieur. Donc ils peuvent apparaître comme un bon sunnite devant toi. Mais le jour venu, il te fera montrer son vrai visage. Il est en ibad pendant qu'il fait la taqiyya wa l'iyadu billah. Et combien de gens se font avoir? Donc, al-Shia n'entre pas dans les propos que je viens d'employer tout à l'heure. Ils n'entrent pas dedans. Parce que eux, ils ont leur propre aqida. Ils ont une aqida sur leur imam qui n'existe pas dans l'islam. Ils prétendent que leurs imams ont des aspects divins. Que leurs imams sont infaillibles. Ils ne se trompent pas. Tout ce qu'ils disent est la pure vérité. Que leurs imams, ils connaissent l'invisible, ils connaissent le futur, ils connaissent le ghaib dans sa totalité, wal-iyadu billah. Et ils les invoquent et ils les adorent en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, il ne faut pas mélanger. Ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec l'islam authentique, wal-iyadu billah. Tayyib. Donc, الملك رحمه الله دي والذي نمشي عليه هو طريق السلف الصالح ولا نكفر أحدا إلا من كفره الله ورسوله وليس من مذهب سوى مذهب السلف الصالح ولا نؤيد بعض المذاهب على بعضها فأبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل أئمتنا. Et donc, de ce fait, les 4 imams, chronologiquement, Abu Hanifa, qui est né en l'an 80 de l'Hégire et qui est mort en l'an 150 de l'Hégire, il est dit qu'il a rencontré le compagnon Anas ibn Malik, radiallahu anhu, étant enfant, mais puisqu'il était petit et il n'en a qu'un vague souvenir, il n'a pas été compris parmi les tabi'in. Certains pourraient même le considérer comme un petit parmi les tabi'in. Ça c'est Abu Hanifa, de la ville de Al-Kufa, en Irak, qui est d'origine perse. Rahimahullah. Et son vrai nom c'est Al-Nu'man ibn Thabit. Puis, Al-Imam Malik ibn Anas, qui est né en l'an 93 de l'Hégire. Donc Abu Hanifa est plus vieux de lui, de 13 ans. Et il est né l'année de la mort du compagnon Anas ibn Malik, radiallahu anhu. Et il est mort en l'an 179 de l'Hégire. Et c'est un Médinois. Il est né, il a vécu et il est mort à Médine, rahimahullah. Puis on a l'imam al-Shafi'i, Mohammed ibn Idris, qui est né à Gaza, en Palestine, et qui est mort dans la ville. À son époque, elle ne s'appelait pas le Caire. Mais plus tard, ce sera la ville du Caire et il est enterré au Caire. l'imam Shafi'i, Muhammad ibn Idris, qui est un Quraishi, originaire de la tribu de Quraish, rahimahullahu ta'ala, qui est né en l'an 150 de l'Hégire, qui est l'année de la mort d'Abu Hanifa, et qui est mort en l'an 204 de l'Hégire. Puis, on a l'imam Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani, rahimahullahu ta'ala, qui lui est né, a vécu et est mort dans la ville de Bagdad, en Irak. Il a fait beaucoup de voyages, mais sa ville, c'est la ville de Bagdad. Il est né en l'an 164 de l'Hégire et il est mort en l'an 241 de l'Hégire, rahimallah al-Jami'a. Donc il dit, Abu Hanifa, Malik, al-Shafi'i et Ibn Hanbal sont nos imams. Donc ce sont des savants, on prend deux, et ce sont nos imams. Intaha kalamu hadha al-imam. Là se termine la parole de ce roi, Abdelaziz, rahimahullah. Wa huwa kalamu nafis. Et c'est une parole énorme, grandiose. Yumathilu al-ma'na al-sahih lil-salafiyya, alladhi huwa al-ma'na al-sahih lil-islam. Et ces paroles représentent le sens authentique de la salafiyya, qui est le sens authentique de l'islam. Et de nos jours, à notre époque, وقلب للحقائق من قبل بعض الساسة والكتاب الغربيين المعادين للإسلام. Et donc de nos jours, à notre époque, l'ouvrage il date d'à peu près 9 ans, 8-9 ans à peu près. Et bien avant l'écriture de cet ouvrage, et même de nos jours, ces attaques, elles existent toujours. Donc, de nos jours, l'islam est attaqué d'un point de vue général. Et plus précisément, l'État d'Arabie Saoudite et aussi la da'wa al-salafiyya. Donc, d'un point de vue général, l'islam, il est attaqué. Mais il y a des attaques bien plus précises concernant le royaume d'Arabie Saoudite pour des raisons bien connues. Et la da'wa al-salafiyya. Ils se font attaquer par des mauvaises paroles sur eux, par des altérations, par des détournements, par qui sont commises par qui ? Par certains politiciens et par et certains penseurs ou écrivains occidentaux ennemis de l'islam. وَالَّذِينَ تَقِفُ الصُّهْيُونِيَّةُ وَرَأَهُمْ. Et la plupart derrière eux, il y a qui ? Il y a le sionisme qui est là pour combattre l'islam d'un point de vue général et le véritable prêche des pieux prédécesseurs. وَيَقِفُ مَعَهُمْ فِي ظُلْمِهِمْ وَافْتِرَائِهِمْ مَنْ تَأَثَّرَ بِهِمْ فِي بَعْدِ الْبُلْدَانِ. Et sont avec eux dans ces attaques, dans cette injustice, dans ces mensonges, certains qui se sont fait avoir parmi les membres de notre communauté dans certains de nos pays. Et ça, on le retrouve parmi les personnes qui se disent libéraux, qui se disent laïcs, et ainsi, ou qui se disent de partis de gauche, dans nos pays, dans certains de leurs ouvrages, dans leurs journaux, des fois même à la radio ou à la télévision, on les voit, on voit leurs attaques, les mêmes attaques, si ce n'est plus virulent que les attaques des mécréants. Et ces gens-là, Allahu a'lamu bihim. Et ces gens-là, dans nos pays, seul Allah tabaraka wa ta'ala connaît leur réalité. Est-ce que certains sont toujours musulmans ou est-ce qu'ils ne le sont pas? Wal'iyadhu billah. Mais c'est très grave ce qu'ils font, surtout pour celui qui a été induit en erreur et qui croit en ce qu'il fait. Mais celui qui est un hypocrite qui apparaît soi-disant en tant que musulman, mais qu'au fond, il n'est là que pour attaquer l'islam, qu'il sache qu'Allah tabaraka wa ta'ala, rien ne lui échappe. Et qui, s'il échappe à la justice de ce bas monde, il n'échappera pas à la justice du Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala. Donc, quoi qu'il fasse, quelles que soient les forces, les richesses qu'ils ont amassées pour attaquer, il y a un Seigneur au-dessus de tous, subhanahu wa ta'ala. Et Allah tabaraka wa ta'ala, à tout moment, peut mettre un terme à leurs attaques et au mal qu'ils font. Wa ma'a anna ad-da'wata as-salafiyya hiya ab'ad ma yakunu 'an at-takfir wa at-tabdi'i wa at-tafsiq bighayri dalil wa hiya ab'ad ma yakunu 'an al-ghulu wa at-tatarruf. Et puisque le prêche salafi affilié aux prédécesseurs, c'est le prêche le plus éloigné de toute forme d'injustice. Et c'est le prêche le plus éloigné pour taxer des personnes de mécréants, d'innovateurs, de pervers, sans aucune preuve. Beaucoup le font parmi les autres prêches, les autres sectes, sans aucune preuve évidente, sans aucune clairvoyance. Mais Ahl al-Sunnah wa al-Salafiyoun, lorsqu'ils le font, ils le font sur une preuve de leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala, basée sur le Coran, sur la Sunna du prophète, alayhi salatu wa salam, et de la voix des pieux prédécesseurs. وَهِيَ أَبْعَدْ مَا يَكُونُ عَنِ الْغُلُوِ وَالتَّطَرُّفِ. Et ce prêche salafi, il est le plus éloigné de toute forme d'excès ou d'exagération. Il reste ferme dans le juste milieu. إِلَّا أَنَّ هَذِهِ الدَّعْوَةَ الْمُبَارَكَةَ أُلْسِقَ بِهَا مَا لَيْسَ فِيهَا. Mais qu'est-ce qu'il y a eu comme problème? C'est qu'on a entaché le prêche salafi en affiliant à ce prêche des personnes ou des mouvements qui en réalité n'en font pas partie. C'est une affiliation mensongère et qui n'a été faite que pour entacher et salir le véritable chemin droit et authentique qui est la voie des pieux prédécesseurs. Wa nusiba ilayha man laysa ala minhajiha mimma shawwaha jamalaha wa ghayyara haqiqataha wa naffara minha. Ce qui a amené cette fausse affiliation, ce qui a amené à salir sa beauté, à changer et altérer sa réalité et à en faire fuir les autres. Les gens parfois fuient. Pourquoi? Parce que à cause de cet entachement, à cause de ce mal accompli par ces personnes qui se sont introduites mensongèrement dans le prêche salafi. Et les gens n'ont pas voulu s'y affilier. Wa inna min abraz al-awamil allati kanat sababan fi dhalika. Et parmi les plus grandes causes qui ont amené à cela, huwa wujud al-jama'at al-islamiyya al-hizbiyya al-mu'asira al-muta'athira bi fikr al-khawarij. Parmi les grandes causes de ce grand mal et de cette infiltration mensongère, il y a la présence de groupes, de partis, de mouvements islamiques sectaires contemporains qui ont été imprégné du fikr khawarij, c'est-à-dire il était imprégné de l'idéologie des khawarij. Al-khawarij, c'est une des premières sectes, si ce n'est la première secte apparue en islam, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a parlé avant son apparition. Le prophète alayhi salatu wa sallam avertit ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum contre certains mots qui vont apparaître dans un futur proche ou un futur lointain. À titre d'exemple, le prophète sallam, comme tous les prophètes qui l'ont précédé, alayhi salatu wassalam, a mis en garde, a prévenu contre l'apparition de Ad-Dajjal, Al-Messih Ad-Dajjal, le faux messie, l'antéchrist. Et il a bien précisé, alayhi salatu wassalam, que les messagers, les prophètes d'avant, en ont averti leur peuple. Il y a de cela plus de 15 siècles que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde. Où Al-Masih Ad-Dajjal n'est toujours pas apparu. As-Sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Pendant le du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se méfiaient de Dajjal. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se méfiaient de l'apparition de Dajjal. Comme si à tout moment il peut arriver. Et il y a eu près de 15 siècles. Et combien de musulmans sont insouciants? Combien ne s'intéressent même pas à savoir qui est Dajjal, l'antéchrist? Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent sa sortie? Qu'est-ce qu'ils vont faire quand il va sortir? Alors qu'ils n'ont aucun avertissement. Ils ne savent même pas comment il faut se comporter à ce moment-là. Les sahaba prévenaient leurs enfants. Les salafs, chacun prévenait les autres. S'il vient, voilà ce que le prophète nous a enseigné. Ils ne savent même pas les endroits où il va entrer, les endroits où il ne pourra pas entrer, son aspect physique. Et qu'est-ce qu'il est capable de faire? Et combien de personnes tomberont dans les pièges et les filets de Al-Masih Ad-Dajjal? Donc c'est très important. Il y a des ouvrages qui ont été écrits avec les textes authentiques. Et combien ils sont nombreux concernant Al-Masih Ad-Dajjal. À titre d'exemple, quelqu'un pourrait se dire, moi Al-Masih Ad-Dajjal il vient, je vais tout faire pour le tuer. Là, c'est quelqu'un qui n'a pas lu et qui n'a pas appris ce qui est dit sur Al-Masih Ad-Dajjal. Parce que toute personne qui lit et qui s'instruit, il sait que personne ne pourra tuer le Messie Ad-Dajjal. Il n'y a qu'une personne qui pourra le tuer. C'est le vrai Messie, qui est Isa alayhi salam. Et donc Isa, on sait même l'endroit où il va le tuer. Donc c'est important d'apprendre. Le Messie Ad-Dajjal apparaît, en résumé, tu t'éloignes. Tu ne t'approches pas de lui. Tu le fuis, comme tu fuis la peste. Pourquoi? Parce que si jamais tu arrives face à lui, il se peut qu'il arrive à te troubler avec ce qu'il montre aux gens. Et de par ta faiblesse, si tu n'es pas une personne ferme sur une clairvoyance de ton Seigneur, il se peut que tu tombes et tu sois parmi ses suiveurs, qu'Allah nous en préserve. Taïb, le prophète sallam nous parle des khawarij et il le dit à ses compagnons. Et il dit que ces gens-là délaissent les adeptes de l'idolâtrie et ils tuent les adeptes de l'islam. Il dit sur eux, ce sont les chiens du feu de l'enfer. Les meilleures morts sont ceux qui sont tués par leurs mains. Et les plus mauvais morts, ce sont ceux qui sont tués parmi eux. Le prophète sallam dit à ses compagnons, l'un d'entre vous, il parle à qui? Au meilleur des hommes, après les prophètes et les messagers. Personne ne pourra être à leur hauteur. Les compagnons, il leur dit, l'un d'entre vous, lorsqu'il va comparer sa ibad avec leur ibad, il la verra minime, tellement qu'ils sont fervents dans l'adoration. Quelqu'un va mépriser sa prière par rapport à leur prière. Son jeûne par rapport à leur jeûne. Sa lecture du Coran par rapport à leur lecture du Coran. Mais ils sortent de l'islam aussi vite que la flèche qui transperce. Et ce qu'a dit et prédit le prophète alayhi salatu wassalam est arrivé. Et ce mouvement, il est apparu. Il s'est vraiment fait montrer à l'époque du califat de Ali radiallahu ta'ala anhu. Et ils se sont soulevés contre Ali, radiallahu anhu. Et ils ont formé une armée. Et Abdullah, je vous résume. Et Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, il est parti pour les discuter, pour les faire revenir. Alhamdulillah, près de 4000, après les paroles d'Ibn Abbas, ont fait tawbah, le repentir. Et ils sont revenus à la vérité. Le reste sont restés dans leur égarement. Et il y a eu la grande bataille entre les sahabas et les musulmans avec eux contre le groupe des Khawarij. Le soir, la veille de la bataille, les rapporteurs disent, les narrateurs disent que dans le campement de Ali, les gens dormaient pour se reposer. Et on entendait du bruit venir du campement des Khawarij, comme le bruit qui est fait par les abeilles dans leur ruche. C'était, ils veillaient la nuit en prière. Subhanallah. Un homme d'aujourd'hui, avec le peu de connaissances qu'il a, il voit la scène et il va dire, c'est qui sont dans la vérité? Il va dire, c'est pas eux là, eux ils dorment. C'est eux là-bas, ils sont en train de veiller dans la prière. C'est-à-dire, il se fera avoir par cette apparence. Et c'est pour cela que le prophète les avertit, en voulant leur dire, faites attention. Ce seront des gens qui seront fervents dans l'adoration. Mais avec ça, ils sont dans l'égarement. Ils ne sont pas dans le droit chemin. Wal'iyadu billah. Et un des grands problèmes de l'Khawarij, c'est de rendre mécréants ceux qui commettent des grands péchés. Et que la foi n'est qu'un bloc. Elle n'augmente pas et elle ne diminue pas. Soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Et celui qui commet des grands péchés, c'est qu'il n'a pas la foi. Et qu'il est voué éternellement au feu de l'enfer. Ça, c'est des fausses convictions. Et ils en sont arrivés à rendre mécréants, à taxer de mécréants les compagnons, radiallahu ta'ala anhum. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, ils n'ont pas pris Allah comme juge et arbitre, mais ils ont pris les hommes comme juge et arbitre dans le conflit qu'il y avait entre les compagnons auparavant. Alors qu'en faisant cela, ils n'ont qu'appliqué la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais voilà, lorsque la compréhension, elle est vraiment minime, le manque de connaissances et de science, surtout face à qui? À ceux qui ont transmis le message. Qui leur a appris l'islam à eux? Qui leur a donné le Coran? C'est les sahaba, radiallahu anhum. Et après cela, ils se sont considérés comme les gardiens de l'islam et que les sahaba étaient des mécréants, wal'iyadu billah. Et de cette idéologie, de temps à autre, elle réapparaît. Et parfois, on n'en entend plus parler, ouvertement. Il y a une autre époque, il y a eu ce penseur, écrivain, Sayyid Qutb, qui s'est remis dans la religion, qui a été emprisonné, et qui s'est fait une relecture de l'islam et du Coran, et en arrivé à faire des déductions, et il a rendu mécréants tous les musulmans. En partant des gouvernants, de leur entourage, et tout doucement, jusqu'à même celui qui fait l'adhan sur le du haut du minaret. Il l'a cité, même lui, même s'il dit « La ilaha illallah », ça y est. Et il a dit que les musulmans sont tombés dans une époque de jahiliya pire que l'époque avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wal'iyadu billah. Et cet homme a réussi, ou ses écrits, à attirer beaucoup de personnes. Et surtout parmi les personnes dans les sectes et les mouvements. Et lui, à la base, c'est un membre des frères musulmans. Et il est celui qui a fait revivre l'idéologie des Khawarij et ce qu'on appellera plus tard Al-Hijratu wa Takfir. Pourquoi il s'appelle Al-Hijratu wa Takfir? C'est parce qu'il s'exile des communautés musulmanes. Il ne reste pas avec eux parce que ce sont des mécréants et ils n'ont pas le droit de prier avec eux ni dans leur mosquée. Et il s'exile dans des déserts ou dans des montagnes. Et au même moment, il taxe tout le monde de mécréants. Tous ceux qui n'acceptent pas leur taxation des autres, il est considéré comme un mécréant. Et en degré d'égarement, ils sont de différents degrés. Il y en a qui ont atteint des hauts extrêmes, mais ils sont tous dans les extrêmes. Wal'iyadu billah. Et donc, c'est cette idéologie de notre époque, elle découle souvent et de base de l'idéologie de ce penseur qui essaie de trop tôt. Wal'iyadu billah. Et qui, lui, à la base, il s'était retrouvé dans le mouvement des frères musulmans. Donc, Jama'at al-Takfir, quel que soit le nom qu'il se donne, quel que soit le nom qu'il se donne, soit un nom international ou un nom local, cette idéologie, au jour de à notre époque, elle sort des frères musulmans. Et souvent, vous entendez les frères musulmans dire que les takfirs, ils sortent de chez les salafis, wal'iyadu billah. C'est leur propre enfant qu'ils se le gardent. On n'en a pas la garde de cet enfant. Il ne nous appartient pas. Il vient de chez eux. Et elles en ont une certaine responsabilité. Taïb. Donc, l'apparition de ces mouvements et de ces partis, de ces sectes, de ces tendances, a été la cause de ce grand mal parce que certains d'entre eux se sont affiliés, se sont infiltrés à l'intérieur des salafis. Les kawni, ba'di, rumuzi, wa qadati, wa mufakkiri, hadihi al-jama'at, qad yuwafiqoun al-manhaj al-salafi, fi ba'di al-turuhat wa al-tawajjuhat. Et aussi une des raisons, c'est quoi? C'est que certaines personnes responsables ou guides dans ces mouvements et certains penseurs de ces mouvements, il se peut que dans certaines de leurs opinions, dans certains de leurs écrits, ils soient en concordance avec la voie des pieux prédécesseurs. Mais il ne faut pas oublier, au même moment, comme le dit le Shir, وَإِنْ كَانُوا يُخَالِفُونَ فِي الْكَثِيرِ مِنَ الْعَقِدَةِ وَالْمَنْهَجِ. Mais au même moment, ils sont en contradiction sur beaucoup de questions concernant l'aqida et l'manhaj. À ma connaissance, je ne connais pas une personne que tout ce qu'il a est faux. Ou tout ce qu'il dit est complètement faux. Il faudra la montrer à la personne. Donc le fait de dire que quelqu'un, sur tel point, regarde, il est en concordance, mais même les koufars, les mécréants, dont on ne doute pas de leur mécréance, ils peuvent dire des paroles qui sont vraies. Ils peuvent avoir une opinion qui est véridique. Mais ce n'est pas parce que certains concordent sur certains points avec les gens de la vérité qu'on les affilie aux gens de la vérité. بل قد يتكلم بعضهم باسم السلفية وهم ليسوا كذلك. Il se peut même que certains parmi eux parlent au nom de la salafia, mais en réalité ils n'en font pas partie. مما جعل الأمر يلتبس على كثير من الناس. Et c'est ce qui a fait que beaucoup de gens n'y comprennent plus rien, n'y arrivent pas à se retrouver. الذين قد تخفى عليهم الحقيقة. Certains, les pauvres, ils ne savent pas où la réalité, ils ne savent pas où la vérité. Quelqu'un apparaît avec un titre, un nom, et ils l'acceptent. Ils acceptent sa prétention directement. Ils ne pensent pas qu'il se peut que la personne, il est le contraire de ce qu'il prétend. Et les prétentions restent des prétentions jusqu'à preuve du contraire. Que la personne prouve réellement que si elle est salafi, qu'elle le soit dans sa croyance, dans la voie qu'il suit et dans son application complète de l'islam. ظَنَّا مِنْهُمْ أَنَّ هَذِهِ الْجَمَاعَاتِ سَلَفِيَّةِ. Et ils en arrivent à penser que ces mouvements ou ces partis ou ces groupes, ils sont vraiment affiliés aux pieux prédécesseurs. أَوْ عَلَى الْفِكْرِ الْوَهَابِي كما يحل للبعض تسميتها بذلك ou alors qu'ils sont sur l'idéologie wahhabite comme certains aiment le dire. وإنك لتعجب ممن يسمي الجماعات الحزبية بالجماعات السلفية الجهادية. Et tu peux être étonné de voir certains nommer des groupes sectaires ou des tendances sectaires, ils les appellent des groupes salafis qui prônent le djihad. وكيف تكون سلفية? Mais comment pourrait-on dire de ces gens ou de ces mouvements qu'ils sont salafis? وهي مخالفة لها في العقيدة والمنهج. Alors que ces mouvements sont en contradiction avec la salafia dans l'aqida et dans le manhaj. وكيف تكون جهادية والمعنى الشرعي الصحيح للجهاد منتف عن هذه الجماعات. Et comment pourrait-on dire qu'elle prône le combat dans le sentier d'Allah, al-jihad, alors que le sens, la définition religieuse authentique du jihad n'existe pas dans la terminologie du jihad qu'ils ont eux. La véritable signification du jihad n'est pas la signification qu'ils en donnent. لعدم توفر الشروط الصحيحة للجهاد في هذه الجماعات. Pourquoi? Parce que déjà dans ces mouvements, il n'y a pas les conditions authentiques et reconnues religieusement pour le jihad dans ces mouvements. Ils ne sont même pas dans les conditions du jihad. Donc comment se fait-il qu'ils se font appeler salafiyya jihadiyya wal'iyadu billah? Wa inna al'ibrata hiya bil haqa'iq wal ma'ani la bil alfaz wal musammiyat. Et la leçon à tirer dans tout ce qu'on vient de dire est de savoir que les choses, on les voit dans leur réalité et dans leur véritable sens et définition, non pas dans des termes ou des nominations. لذا يجب التنبه للخلط والتضليل الموجود في الساحة الإسلامية اليوم. Et c'est pour cela qu'il est un devoir de bien faire attention à ces mélanges et à ces égarements qu'on retrouve chez les musulmans aujourd'hui, surtout dans la compréhension de l'islam authentique. Donc le Shir a vu qu'il était un devoir pour lui de bien préciser cela pour pouvoir comprendre le terme salafi et l'affiliation au salaf al-salih radiyallahu ta'ala anhum. On va s'arrêter là inshallah et le prochain cours dimanche prochain après salat al-asr. Wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam wa baraka ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.